dis-moi comment. Je pèserai les jaloux quitte à leur faire des enfants. Je suis pas là pour une morale ou encore moins un roman. On joue pas sur la Bible donc je joue pas sur le Coran. Coriace, parce que j'ai toujours su rester sophienne. Malgré leurs critiques qui ont fait descendre mon moral en dessous de la moyenne. Je sais pas de remonter la pente, si tu la descends je pars quand même. Je leur donne chaud et la cause n'est pas le niveau solaire. Vrai, ma personnalité bas et mon niveau scolaire. L'hôpital ne fait pas que soigner cette salope, aussi casser le dos de ma mère. Je suis pas encore passé à la poêle, mais je sais que ma vie est cuite. Dans ma vie j'ai tout bouché pour éviter les fuites. Pour ceux qui ont perdu la vie à cause d'une mauvaise conduite. J'ai vu mon cousin cloué sur un lit d'hôpital pour mourir après, mesquine. Donc me casse pas la tête en me disant que la France possède une très bonne médecine. T'es pas à l'abri d'une trahison, la vie te fait des illusions. La réalité n'est pas pareille, ne te fie pas aux hallucinations. J'irai au fœtus, qu'avant de rentrer dans ce monde, il prépare son gun plein de munitions. J'ai pas qu'aimé ses études pour rentrer dans ce domaine et ça me fait rire. Si tu rapprends ça au sérieux, arrête de me parler de délire. Te plains pas et dis pas que t'as rien, tu vas loin. Cherche pour l'amitié 2010, c'est chacun dans son coin. Tout le monde se fait insulter, que tu sois roi ou président. Et si le récent est agressif, c'est à cause du précédent. Apprécie les paroles concrètes et la mélodie. Le travail refuse les Fatima et accueille les élodies. Les années folles recommencent, augmentation de la délinquance. La France éclate, les radios inondées par l'MC du 9-4. Je vais pas être vulgaire mais faut que ça éclate. Oui monsieur Sarko, votre pays saigne de la chatte. Être humain est radin, hypocrite, égoïste. Bref y'a trop de synonymes. Pourquoi je suis dans le rap ça, demande-le à Nessil. Ici d'une famille difficile, c'est pas en côtoyant les plantes que j'ai appris mes racines. La vie est dure, comme un affaire qui se décrit. Même le clavier me remercie de ce que j'écris. Un classique donc je suis le compositeur. Dire que la vie est une pute c'est traiter son créateur. Qui avalera mon son le Chira. La France te met une banane comme Chirac. Nos paroles ne vaut rien face à la vie des darons en Irak. J'ai poussé des cris et ça reste pas détendre. Les oreilles ouvertes pour leurs intérêts, mais sourds quand il s'agit de nous entendre. Quelle est la majorité des races en incarcération? Noir et arabe sous tension, attention. On a tous nos GGTA, comprend pourquoi on manie aussi bien l'émission. Nous affiche pas dans leurs émissions. La vie c'est réel et c'est pas une démocratie. L'état face à l'écoute du peuple et t'appelles ça une démocratie. J'ai trop de choses à dire, prends-moi pour une biblée. J'ai trop tourné la poche, maintenant change de bibliothèque. Y'a des gens qui me soutiennent et que je remercie. Tout le monde a mal, mais je peux pas tous les soigner. J'suis pas une pharmacie. Métastyle, ouais. Pour tout le 48 City, pour tous les gens de Valenton qui soutiennent ça, le plus classique.